C'est quoi? C'est orange. Orange? Orange. J'aime tellement ça. Et tu sais pourquoi l'orange? Non. Quand j'étais petite, justement, à l'île d'Orléans, j'avais un ami, puis nous, on était très pauvres, qui avait un bicycle à 10 vitesses orange. La machine. Et là, j'ai tellement... Je vais employer le mot, mais capoter dans ma tête de petite fille. Même après, je mettais ma chambre à coucher jaune dans les teintes orangées, tout ça, c'est... La vague est forte, hein? C'est très fort. Mais si, je dois spécifier que l'on ne se baigne pas parce que je suis tellement mère poule. Okay. Je veux même pas que les vies viennent s'essayer ici parce que ça bouge beaucoup trop. Il y a des remous, des grosses vagues et il y a beaucoup de coraux. On voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Non. Le voyez-vous, ce qu'il y a de l'autre côté? L'amour. When I saw you, baby, you look all wet and stuff. Oh, tous ces samedis soirs, dans le sous-sol d'une église, à se frencher dans le noir. Toutes ces soirées dansantes, tout ce rock'n'roll qui t'allume quand je chante. Je t'emmenais sur la plage, je t'embrassais, tu riais. Mais qu'est-ce que ton père dirait s'il nous voyait? Oh, toute cette folie de l'été, toutes ces femmes qui passent à demi dénudées. Toute cette sexualité, cette chaleur infernale qui te fait mouiller. Je t'emmenais sur la plage, je t'embrassais, tu riais. Mais qu'est-ce que ton père dirait s'il nous voyait? Est-ce qu'il attrait? Ah, toutes ces vapeurs de l'estime à rouler dans ma caisse et à boire du gros gin. Comme c'est bien de perdre le contrôle et de foncer dans le terre-plein. Ton père, je l'aime bien. Ce con, je l'écrase. Je le saigne, je les vends, je les gorge. Et oui, ton papa adoré. L'animal en nourrit un autre, qui en nourrit un autre, puis nous, en bout de course, on se nourrit de l'animal. Ce que tu me dis, les animaux, oui, sont dans la chaîne alimentaire entre eux autres, mais ce que tu me dis, c'est qu'on devrait limiter les animaux. Les animaux, justement, entre eux autres, donc nous autres, on devrait manger les animaux. Les animaux aussi se violent, on devrait se violer aussi. Mais je vais quand même vous faire une petite chanson qui dit que je m'en fous que t'aimes le poil ses cuisses. Et je serais précisé qu'on est en 2010. Quand tu voyais ton ami lever des haltères, t'as senti ton membre dur comme le fer, mais t'en fais pas. T'es pas gay. T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay, pas gay, pas gay, pas gay. C'est réglé. On n'en parle plus, ok? Tu n'as eu qu'une relation homosexuelle à 4h du matin dans une ruelle, mais t'en fais pas. T'es pas gay. Le lendemain, t'as oublié. Évidemment, c'est plus sain de refouler. Non, t'en fais pas. Oh, tu n'es pas gay. Non! T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay, pas gay, pas gay, pas gay. Quand tu t'endors, tu vois plein d'hommes tout nus et tu te réveilles. avec le doigt qui pue, mais t'en fais pas. T'es pas gay. Le bonheur, tu t'en fous, tu t'en prives avec tes barrières émotives, non t'en fais pas. Tu n'es pas gay. En fait, ce qui est pas gay, c'est tes journées. Hey. Non, ce qui est pas gay, hey. C'est tes journées. Ta vie n'est qu'un tissu de mensonges. Il faut pas avoir peur de prendre une plonge. Si tu veux vraiment mon avis, tu devrais tester. C'est qui tes vrais amis qui vont rester. Mais ça se peut pas. Parce que t'es pas gay. Hey. Non, ça se peut pas. Oh, parce que t'es pas gay. T'es pas gay! Une chanson en hommage aux homosexuels refoulés. Pépé faisait la chanson « T'es pas gay » tirée d'une compilation, encore une fois téléchargée, gratis sur le site de Poulet Neige. L'album, c'est « Le véritable amour », donc Pépé. On a également entendu Karlof Galoski faisant la chanson « Les vapeurs de l'été 57 ». Une chanson qui est vraiment... J'ai comme une obsession sur cette chanson-là. C'est du vieux stuff, hein? Et mon oncle Serge qui faisait « Team qui gagne ». Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Le stade est plein. Pas mal plus que s'il y avait un discours de Françoise David. Oui, messieurs, dames, mon oncle Serge qui va dans le... qui poursuit son virage. Ben, en fait, c'est plutôt un retour vers la chanson engagée, chanson à texte, comme il faisait dans les années 90. Donc, même ces chansons se trouvent gratuitement, vous pouvez télécharger, aller sur le site de mononcle.com, où vous pouvez également lire sa biographie, qui est une sorte de conte fantasmé. Et c'est mis à jour, cette affaire-là. Donc, tu sais, souvent, sur les sites de groupes, la biographie est comme fixée en 2002, genre. Mais lui, il est mis à jour. Alors, je vais vous lire ce qu'il a écrit pour 2011-2012. L'oncle écrit la chanson « Stairway to Tim Hortons » sur la mélodie de la danse des canards. La chanson n'obtient du succès qu'auprès des militants du Parti conservateur qui y voient un vibrant plaidoyer en faveur des sables bitumineux. Enchanté par cette interprétation audacieuse de son œuvre, mon oncle participe à plusieurs activités de financement du Parti conservateur, dont un tournoi de roche-papier-ciseaux où il se fait planter par Maxime Bernier. Bravo, mon oncle, pour cette biographie extraordinaire qui est vraiment ponctuée d'images, des splendides montages photos sophistiqués faits avec la magie de Photoshop. Et qu'est-ce qui retient l'attention aussi, c'est I Don't Know More, donc le mouvement autochtone canadien qui se soulève contre le gouvernement conservateur et parce que le Parti conservateur adopte la loi Mammouth. Ça, c'est aussi appelé la loi C-45, qui contient une série d'attaques contre les droits des Autochtones. Et donc, demain, il va y avoir une manifestation à midi à la place d'Youville, qui va se terminer par une prière devant le Parlement, et c'est pas des farces. Et donc, on va l'écouter, un petit bloc qui est dédié à nos Autochtones, qui est le peuple visible maintenant. Et on écoute une pièce qui s'appelle « Nitteit », qui signifie « Mon cœur » du groupe « Vers ce tantôt ». OK, oui, c'est parti.

After the U.S. Revolution, Corn Planter was the chief. He told the tribe these men they could trust. That was his true belief. He went down to Independence Hall, and there a treaty signed that promised peace with the USA and Indian rights combined. George Washington gave his signature. The government gave its hand. They said that now and forevermore that this was Indian land. Reservation, there is much sadness now. Washington's treaty has been broken, and there is no hope, no how. Across the Allegheny River, they are throwing up a dam. It will flood the Indian country, a proud day for Uncle Sam. It has broke the ancient treaty for the politicians' grin. It will drown the Indian graveyard, Corn Planter. Can you swim? The earth is mother to the Seneca. They're trampled in sacred ground. Change the mint green earth to black mud flats as honor hobbled down. No one fears the Indian now and smiles a liar's mouth. The Seneca's hard and expert to figure another site, but the great good army engineer said that he had no right. Although he showed them another plan and showed them another way, they laughed in his face and said, no deal, consumer dam is here to stay. Congress turned the Indians down, brushed off the Indians' plea. So the Senecas have renamed the dam. They called it Lake Perfidy. Their pledges ring. The treaties are safe. We'll keep our word. But what is that gurgling? It's the backwater from Perfidy Lake. It rises all the time, over the homes and over the fields and over the promise fine. No boat will sail on Lake Perfidy. In winter it will fill. In summer it will be a swamp and all the fishes kill. But the government of the USA has corrected George's vow. The father of our country must be wrong. What's an Indian anyhow? As long as the grass. Hommage aux Autochtones qui sont en train de se soulever contre le gouvernement conservateur et qui entreprennent des actions partout à travers le Canada. Grève de la faim, blocage, campagne de lettres, de téléphones massifs, etc., etc. On vient d'entendre Rabbit Dance Song, tiré dans l'album de chant traditionnel indien qui s'appelle Sikh. L'artiste qui chantait, les femmes qui chantaient, c'était... The Six Nations Woman Singers. Ce sera un chant iroquois. On a également entendu Jim Pepper qui faisait la pièce Senecas. Et les Shaman Boys faisaient Niteit, qui signifie mon cœur. Et c'est pas pour rien que Richard Desjardins a appelé son documentaire Le Peuple Invisible. Parce que c'est très difficile de trouver de la musique. Autochtone qui sort de... Je sais pas comment dire, mettons. Ce serait un peu décondescendant de dire, mais je vais dire quand même. C'est difficile de trouver de la musique intéressante. C'est plate à dire, mais c'est ça. Pas parce qu'ils en font pas. C'est parce que c'est pas diffusé. C'est pas distribué. Difficile à trouver. Alors, il faut souvent se tourner vers les États-Unis. Justement, Jim Pepper... Un gars de descendance amérindienne K et Muscogee. Il a commencé à faire de la musique dans les années 60. C'était même un pionnier du jazz fusion. Et il a atteint la notoriété parce qu'il combinait des éléments du jazz avec la musique amérindienne. Et Robert Charlebois, en 1973, il a repris une de ses pièces qui s'appelle Wichitaito sur son album Solidaritude. Alors, Robert Charlebois a repris une de ses pièces, Jim Pepper. Toujours au Cirque Aquatique Magique, à votre compagnie François Gécouillard, on va écouter maintenant une pièce. On va rester dans la musique de Libération. On va écouter de la musique de noir. Hein? Alors là, on va écouter Marlena Shah qui va faire I Wish I Knew. to break all of the chains that kinda keep binding me. And I wish that I could say all that I'm longing to say. Say it loud, say it clear for the whole wide world to hear. People from Quebec, they changed the name of my street. My street is called Avignon. What the fuck is that? What is that? I want to hold you in my arms till you say, turn you loose. I want to do little things for you till you say, it ain't no use. I want to wake you every morning with a good morning kiss. I want to kiss you to sleep the same way, cause I know you like this. I want to do everything for you, cause that's all that a man can do when he loves a woman like I love you. And I love you, love you, love you, love you, love you. I love you. Say sweet things to you till you say, I've said enough. I want to stand right by your side when the going gets tough. I want to mend your broken heart till you say, the hurt is gone. I want to stay with you always so that you won't be alone. I want to do everything for you, cause that's all that a man can do when he loves a woman like I. I want to work for you every day till you say, come home and rest. I want to buy you pretty things so you can look your best. I want to take you everywhere Place d'Orléans, or d'Orléans. They actually have accent on it. Place d'Orléans. And we call it Place d'Orléans, and that sounds retarded. D'Orléans is not a word. If it was me running this city, it would be called Orléans Shopping Center. When I got your letter, babe, yes, I was, and your letter brought me so much strength. Tell you what I did, baby, you won't believe it. I raised up and got me two more enemies. Oh, yes, I did. Listen, that's why I believe. Say, Jackie Robinson. Oh, yes, I will. Yes, I will. Sometimes I wonder, do you really love me? Then I think of something sweet you once said to me. Makes me feel so good inside. I raise up and get me two more enemies. Oh, yes, I do. All right. Listen, baby. Ooh, oh, baby. I wished a thousand times that we had gotten married before I left home for Vietnam. But then when I see so many of my buddies getting shot down all around me, makes me kind of glad that we waited, because I don't want to leave you at home being a widow and all. I know you understand, baby. Listen, darling, they promised me a furlough on the 15th of next month, and I want you to say a prayer tonight that my furlough will come through so I can come home to be with you. And tomorrow, oh, tomorrow, go by and tell my mom and dad I love them, and for them not to worry about me. Listen, 'cause I believe that I'm gonna make it. Tell everybody back home I believe that I'm gonna make it. And baby, I'll be home before you can say it. Pour donner du courage aux soldats poignés au Vietnam, soldats américains bien sûr. Pièce de chantée par Joe Tex, I Believe I'm Gonna Make It. Et je reviendrai à la maison aussi rapidement qu'il faut dire Batman et Robin. Il a également chanté I Want to Do Everything for You, qui est probablement une des plus. Qui est vraiment une très belle pièce d'amour. Hein? Qu'est-ce qu'on veut faire, évidemment, à la personne qu'on aime et qu'on chérit au plus fond de plus profond de notre cœur, c'est évidemment de tout faire pour cette personne-là. Et Marlena Shaw faisait I Wish I Knew, tiré d'un album qui s'appelle Black and Proud, The Soul of the Black Panther Era. Donc, c'est des pièces de l'époque des Panthères Noirs, groupe. Qui préconisait le Black Power, dans le fond, le pouvoir noir, qui était une espèce de groupe qui a commencé comme étant des. Comment on appelle ça? Des gens qui respectaient à la lettre les codes de loi. Oui, parce qu'on a évidemment en tête tout le temps les Black Panthers comme des gens qui se promenaient avec des fusils, là, mais au début, c'était pas vraiment tout à fait ça. Là. Puis même que. Il organisait des bouffes collectives, des écoles pour les jeunes. Il y avait un côté social au Black Panther. Et ils ont commencé en étant en s'intéressant aux articles de loi. Et ils s'arrangeaient toujours pour connaître très bien la loi et pour intervenir auprès de la police qui à cette époque-là, c'était quoi que ça n'a pas tellement changé. La police était très discriminatoire et très abusive. Et que dire sur Joe Tex, qu'on a entendu dans deux pièces. Un gars, au début de sa carrière, dans les années 50, il a connu beaucoup d'échecs. Même qu'à un moment donné, il a dû vendre les droits d'une de ses chansons qui s'appelle Fever, parce qu'il était incapable de payer son loyer. Mais par la suite, ça a mieux été, parce que son principal rival, c'était James Brown. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va aller écouter? J'ai le choix. Soit du rock, soit de la musique asiatique, soit de la musique psychédélique. On va se diriger vers le rock francophone. On commence avec une pièce que j'ai découvert d'un groupe vraiment chouette de Montréal qui s'appelle le Chelsea Beat. Et c'est une pièce extraordinaire qui s'appelle « Avec les garçons ». Faites comme ça et va savoir pourquoi. Quand je suis avec toi, c'est différent. Je me sens vivant. On cause toute la nuit comme des enfants. On part à la dérive. Oui, avec toi, tu vois, c'est différent. j'essaie de changer mon attitude avec l'opposition. J'aimerais ça challenger intellectuellement. Poser n'importe la question stupide. C'est des gens qui disent c'est juste une question, mais elle est stupide ta question. C'est-tu possible qu'elle soit moins stupide? Un petit bloc bien rock, bien garage. On a entendu les Breastfeeders qui faisaient Betty Lou. Également Wartin qui faisait Je veux y croire. Et le Chelsea Beat faisait Avec les garçons. Et vous avez peut-être reconnu la douce voix de Poupée Fortrelle, de Call Me Poupée. Parce que ça a l'air que le Chelsea Beat, il n'y a pas de filles dans leur groupe. Mais ils sous-contractent Poupée Fortrelle. Call Me Poupée qui est un groupe également à garage, 60s, rock. Donc, groupe très intéressant qui est fondé notamment par Stéphane Courval et Daniel Fiocco, qui sont des gens qui viennent du groupe Les Séquelles et Platon et les Caves. Ça, je connais pas Platon et les Caves, mais Les Séquelles, par exemple, je connais et c'est très bon. C'est déjà la fin pour l'émission Le Cirque Aquatique Magique. Je vous tire ma révérence. C'est François Gécouillard et je vous dis à la semaine prochaine pour écouter cette émission ainsi que toutes les autres. jeunefou.blogspot.com. Sinon, on se laisse avec une dernière pièce. Vous savez, en ces temps d'austérité, les gouvernements sortent des budgets, baissent les impôts, mais montent les tarifs. Et ça, bien évidemment, ça veut dire plus d'appauvrissement, mais il y a des gens qui aiment ça payer des taxes, dont Phil Celia and the Silvertones qui vont faire la pièce Keep on Smiling, Pay Your Taxes. Ciao, ciao. Keep on smiling, pay your taxes, do it now today. Then be thankful you are living in the USA. Bless this country with her justice and her liberty. Keep on smiling, pay your taxes. Citizen.